Allez, viens faire un tour du côté acidulé de mes pensées. Je te ferai voyager. Enfile ta tenue d'Ève pour décoller dans mes rêves. Au rythme de mes baisers. À mieux y voir, tu es bonne. Ton petit cul, t'es grosse, hein, ton sourire, c'est tout ton corps qui rayonne. Laisse-moi t'envisager. Laisse-moi te deviner, laisse-moi te câliner. Au-delà de mes baisers. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, la vie. Elle est belle quand tu me souris. On se croise et puis tu m'oublies. Mais moi je t'emmène dans mes envies. T'y vois la douce et cochonne. Par devant, par derrière, selon la séparation de femmes ou bien trois hommes. Tu n'as de cesse d'aimer. Au salon, tu n'as de cesse de recevoir des caresses. Et de te faire baiser. Elle est belle, elle est belle la vie. Elle est belle quand tu me souris. On se croise et puis tu m'oublies. Mais moi je t'emmène dans mes envies. Dans ce monde de s'évader dans ses pensées une seconde. Au hasard des inconnus, aussi belle qu'inattendue, croisée sur des avenues, qui se dandine dans les rues. Elle est belle, elle est belle la vie. Elle est belle quand tu me souris. On se croise et puis tu m'oublies. Mais moi je t'emmène dans mes envies. Puis-tu m'emmener un jour dans mes envies.